Bonjour à tous, il est 18h, vous êtes bien sur 100% Union, sur Arc-en-Ciel. Nous sommes le lundi 7 février. Et donc on va d'abord mettre juste une petite chanson donc pour ceux qui hier étaient au Zénith, donc pour aller voir Tony Carrera. Donc on va démarrer avec une chanson de Tony Carrera et vous aurez derrière tous les résultats du week-end. Et aujourd'hui on est en compagnie de Samantha, donc qui était déjà venue lors de la première émission, ainsi que Nassira. Donc on est toutes responsables de la catégorie U11 et on parlera plus particulièrement de la catégorie, enfin de ces catégories jeunes, avec donc mes deux invités du jour. Mais um de tantos dias em que choro o teu adeus, em que invento melodias para lembrar quem me esqueceu. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida, é assim, e o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer, e até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonho, sonhos, mas alma com dor, pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. É mais um de tantos dias em que as mágoas são iguais, em que vivo fantasias das canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto mal menor. É assim a minha vida, é assim, cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer, e até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos, bom sonhador, com olhos risonhos, mas alma com dor, pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. Alma com dor, pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. Et c'était donc Tony Carrera, donc Tony Carrera qui était hier en concert sur Orléans. Pour ceux qui ont loupé le concert parce qu'ils étaient au match des seniors à Lillaro, c'était un très beau concert. Et pour les autres, du coup, on va, pour ceux qui étaient au concert et qui n'étaient pas au match, on va vous faire un résumé un peu plus tard là de la rencontre avec notamment des interviews de plusieurs joueurs et du coach. Donc là, avant de commencer, enfin pour commencer, on va vous donner les résultats du week-end. Donc c'est Nassira qui va s'en charger aujourd'hui et pas Yousra qui est un peu souffrante. Donc on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Et juste avant de commencer, je tiens à féliciter tous nos licenciés sénégalais qui doivent être très contents aujourd'hui vu que le Sénégal a remporté la CAN. Et aussi, vu qu'on est aussi à l'Union portugaise, féliciter les joueurs portugais de futsal qui sont doublement champions d'Europe dans la modalité du futsal. Donc Nassira, juste avant de te présenter, tu peux nous donner, s'il te plaît, les résultats des matchs du week-end. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par les U11. Du plus petit au plus grand. Donc, il y avait les deux équipes qui jouaient. Donc, l'équipe 1 a gagné 3-2 contre Mandoré à domicile. Malheureusement, notre équipe 2 a perdu 2-0 contre Saint-Cyr-en-Val. Alors, après, maintenant, je vais passer au résultat de la Coupe U13. Nos U13 ont fait 3 victoires. 2-0 contre Pathé, 6-0 contre Boigny. Et 2-0 contre Saint-Jean-de-Blanc, ce qui leur a permis de se qualifier pour le prochain tour de coupe. Donc félicitations à eux. Alors après, il y avait un match amical U17. Bravo à eux, ils ont gagné 2-0 contre le club de la SMOC. Belle victoire. Après, on avait deux matchs dimanche. L'équipe réserve contre nos U19. Bravo à nos réservistes qui ont gagné sur le petit score de 1-0. Avec nos vaillants U19 qui se préparent doucement à devenir des seniors. Et après une victoire écrasante de notre équipe 1, 7-1 face à Chingy-Saint-Y. Voilà, bravo à eux aussi et plein de victoires pour la suite, j'espère. Ok, merci Nassira pour ces scores du week-end. On va juste faire une petite pause musicale et on passera ensuite aux interviews de nos protagonistes du week-end, donc pour toutes les équipes qui ont participé, qui ont joué ce week-end. Donc encore une fois, on avait quelques matchs qui ont été décalés, donc encore une fois, le Covid nous joue quelques tours de dernière minute, donc c'est vrai qu'on annonce des matchs qui sont pas forcément joués parce que annulés un peu à la dernière minute. Mais bon, on espère que là, après les vacances, tout va rentrer dans l'ordre. J'en profite aussi d'ailleurs pour souhaiter des bonnes vacances à tous nos licenciés. N'oubliez pas qu'il y a quand même entraînement pendant la semaine. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your I Vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union sur 96.2, tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise. Donc on a fait un récapitulatif des résultats du week-end. On va désormais écouter les interviews qu'on a pu faire aux différents protagonistes. Donc encore une fois, je tiens à remercier les joueurs, les coachs qui se prêtent au jeu et notamment surtout nos jeunes joueurs pour qui c'est... pas forcément évident de répondre aux questions qui leur sont posées. Donc là, cette semaine, on avait avec nous en journaliste donc Joshua Erwan, Xavier qui a aussi interviewé certains joueurs seniors, et Hamza, joueur U19 qui s'est prêté aussi au jeu et a interviewé ses camarades U17. Donc on va commencer avec les matchs du samedi. Donc d'abord avec les U13. Donc on commence par l'interview du coach et elle sera suivie par l'interview de quelques joueurs. Pour vous, qu'est-ce qui vous a permis de gagner ces trois matchs? Bonjour, c'est Chahid, le coach de U13. Pour les trois victoires, on a bien travaillé à l'entraînement. Le premier match, il était un peu difficile car j'avais pas de gardien. Et du coup, c'est un joueur qui a été au goal. Mais après, on a créé des occasions et on a réussi à marquer deux buts. Et le deuxième match, on a bien joué. Les joueurs, ils ont bien joué. Et on a gagné 6-0. Il y avait Elias, il a marqué 4. Et Bassico, il a marqué 1. Et Walid, il a marqué le sixième. Et troisième match contre Saint-Jean-Blanc. Elle était aussi un peu difficile, mais on a créé des occasions, on a bien profité. Et voilà, on a bien joué. Et qu'est-ce qui reste à améliorer pour vous sur ces matchs? Elle reste à améliorer, elle reste. Il faut travailler, il reste encore du travail. Pour la défense aussi. Et les corners, on avait 5 ou 6 corners, on a du mal encore à la tête, mais on va améliorer ça à l'entraînement, j'espère. Merci. Merci. J'y suis avec Ilyes, joueur de U13 qui a marqué 5 buts. Content de ta prestation aujourd'hui ? Oui, je suis content. Et je remercie mon équipe de m'avoir aidé. Et c'est la première fois que je marque autant de buts. C'est compliqué de marquer des buts ? Pas trop, il faut juste avoir des bonnes passes et finir. Sur votre match, quel a été selon toi le plus difficile ? J'aurais dit ce serait plutôt Chessy. Parce qu'ils avaient un bon niveau. Mm-hmm. Autour de Nazim, auteur de 3 buts sur le plateau, t'as impressionnant sur ces 3 matchs ? Alors moi j'ai trouvé que c'était pas nos matchs les plus difficiles, mais c'était un peu difficile. On a réussi à vaincre toutes les équipes et on a été tous contents. Selon toi, quel était le match le plus difficile ? J'ai trouvé que c'était Pâté plus difficile, parce que sur mon côté il y avait quelqu'un de grand, assez puissant, et du coup je pense que c'est Pâté. Okay. Bonjour, alors qu'est-ce que tu as pensé du match avec ton équipe durant ces 3 matchs ? On a bien joué, on n'a pas baissé la tête, même si on ratait des occasions, on a continué. Même si on ratait, des fois ça venait, des fois ça venait pas. Très bien. Est-ce que tu es content de ta performance avec l'équipe d'aujourd'hui ? Oui, on s'entend bien, on n'a pas baissé la tête. Même si on rate, on continue, donc personne râle, on baisse pas la tête, on continue. Très bien, merci. Donc voilà pour les U13. On va juste rappeler donc avec Nassira les buteurs sur cette catégorie sur les matchs de samedi. Donc pas mal de buts. Donc sur les phases de coupe dans les catégories jeunes, donc c'est souvent des petits plateaux organisés avec 2, 3 ou 4 équipes en fonction des équipes. Donc les matchs varient, la durée des matchs varie. Donc là, nos U13 avaient 3 matchs de 20 minutes. Donc sur ces 3 matchs, ils ont quand même marqué pas mal de buts. Donc on va féliciter nos buteurs. Alors au total 10 buts pour 3 matchs, donc c'est un beau chiffre. Donc Ilyes impressionnant, donc comme il le dit dans son interview, il n'en a jamais marqué autant, mais 5 buts en 3 matchs. J'espère qu'il va recommencer, ça serait bon pour l'Union et bon pour son équipe. Après on a Nazim, je pense que c'est bien, il revient en forme là. Donc Nazim auteur d'un triplé, enfin de 3 buts du coup. Donc bravo à lui. Après, il y a Bassicou qui en marque 1. C'est bien aussi. Bon, s'il peut faire 2, c'est mieux pour la prochaine fois. Et après, pour finir, Walid qui marque son premier but. Donc félicitations à ces 4 garçons et au reste de l'équipe, même si les autres n'ont pas marqué. C'est un travail collectif avant toute chose. Donc bravo aux U13 pour la victoire. On passe désormais au U11. Donc, on avait donc le premier match de l'équipe 2 à 13h30, donc face à Saint-Cyr-en-Val, donc une défaite. Donc, on passe tout de suite à l'interview de la coach, qui, c'est moi-même d'ailleurs, et de quelques joueurs derrière. Bonjour. Est-ce que le score est représentatif du match que vous avez fait aujourd'hui ? La défaite, je dirais oui. Les 2-0, c'est peut-être un peu dur vis-à-vis du contenu du match. Deux erreurs défensives qui font que Saint-Cyr-en-Val arrive à marquer 2 buts. Et nous, devant en attaque, on n'a pas réussi à concrétiser les actions qu'on a eues. C'est vrai que le gardien en face était aussi très bon et vraiment très réactif sur tous les ballons. Donc on a vraiment eu des difficultés à le mettre justement lui en difficulté. Après, c'est vrai que nous, on avait prévenu nos joueurs. Là, on est monté en niveau 2, donc l'exigence doit monter aussi. On a eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais une fois qu'on est rentré, on a fait des choses intéressantes. Mais voilà, ça n'a pas suffi, donc il faut travailler et on espère sur les prochains matchs élever notre niveau de jeu. D'accord, merci. Alors bonjour Johan, est-ce que tu es content de ta prestation au poste de gardien de but ? Oui, j'ai réussi à bien placer mes joueurs et aussi je suis content de mes arrêts que j'ai fait. Est-ce que tu as pris du plaisir durant ce match, Johan ? Oui, je me suis dit dans ma tête, allez Johan, je m'en fiche, après c'est les vacances et après je serai content, voilà. Très bien, merci. Bon, donc salut. Qu'est-ce que t'as pensé de ton match ? Il était bien. Après, il y avait des mots, mais l'arbitre, il a pas sifflé. On a bien joué, mais ils ont quand même gagné. Et est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait? Oui, ça va. Des fois, j'étais sans faire exprès, mais sinon, oui. Merci. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant ce match? Et si oui, lesquelles? Quand on essayait de marquer, il dégageait la balle tout le temps. Bonjour à tous, nous sommes à... Donc voilà pour l'équipe 2 des U11. Donc on n'a pas de buteur à annoncer vu qu'il n'y a pas eu de but de notre côté. Je voulais juste du coup remercier nos trois interviewés. Donc Johan le gardien, à qui on souhaite de bonnes vacances. Ayoub, défenseur, et Andy qui était notre milieu centre sur ce match-là. On va passer maintenant à l'équipe 1 qui jouait après à 14h, donc qui affrontait une équipe de Villemandeur à Lillaro. Victoire de notre équipe 3-2. Nous allons écouter les différents protagonistes et on reviendra sur les buteurs juste après. Bon, bonjour, est-ce que le score est représentatif du match que vous avez fait? Oui, tout à fait, c'était un match très serré. On a été mené quasiment tout le long, on a su reprendre l'avantage dans les dernières minutes. Et ils auraient pu égaliser dans les dernières minutes. On a su tenir le match malgré la blessure de notre défenseur central, Dev, qui nous a un peu mis un petit coup au moral. Mais après, on a fait les changements qu'il fallait pour sécuriser le résultat et on a su le faire. Après, ça sera que des matchs difficiles tous les week-ends. Le groupe est au courant, moi aussi. Donc, il va falloir concrétiser plus nos actions et voilà, avoir peut-être moins la possession de balle et plus concrétiser nos occasions pour faire un très bon championnat. D'accord, merci. Salut, qu'est-ce que tu as pensé de ton match aujourd'hui? Bonjour, j'ai pensé de mon match que c'était un match difficile et qu'on a joué collectif. J'ai marqué 2 buts et je suis fier de nous. Quels ont été vos problèmes dans ce match? Nos problèmes dans ce match, c'est qu'il y avait des défenseurs très forts. Ils poussaient, ils gabaient et voilà. Étant gardien, est-ce que les attaquants adverses t'ont posé problème? Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de tirs forts, mais quand ils les faisaient, c'était très fort et très compliqué à arrêter. Donc, ils ont mis 2 buts comme ça, mais sinon, c'était la plupart du temps des frappes à le sol que j'ai pas trop galéré pour les arrêter. Merci. Donc, voilà pour nos 11. Donc, nos joueurs interviewés, donc on a eu Youssef et Félix. Donc, Félix, le gardien de but. Donc on est aussi avec la coach, elle va pouvoir nous dire les buteurs de cette rencontre. Donc pour l'équipe 1, du coup vu que l'équipe 2 n'a pas marqué de but, je ne peux pas citer les buteurs. Donc le doublé de Youssef, comme il le dit si bien dans son interview, il est fier de lui je pense. Il a raison, il a fait un très bon match. Donc doublé de Youssef et le dernier but de notre malheureux défenseur Dev qui s'est blessé. Donc beau but mais blessure. Donc bravo à lui et bon rétablissement pour le reste. Et voilà. Donc on fait une petite pause musicale, on reviendra juste après avec les résumés des matchs des U17 et finalement des seniors, les matchs qui ont eu lieu hier. Viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. Vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É ao teu, só ao teu. Quero te levar aonde mais ninguém levou. Cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero. quero lá estar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. Deixa. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu. É o teu. Só o teu. E quando eu te tocar, faz ver que este sonho é real. Podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. C'est du soleil toute la journée. Donc vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union. Donc effectivement, aujourd'hui, oui, c'était une journée ensoleillée pour ce premier jour de vacances pour la plupart de nos licenciés qui sont désormais en vacances. C'est pas pour autant donc on n'a pas d'entraînement ou pas de match. Donc on va terminer donc les petits résumés de nos matchs du week-end. Donc là, on va écoutez les protagonistes du match des U17. Donc, on a deux joueurs, Malik et Mohamed, qui sont interviewés. Donc, j'ai pas l'interview du coach, mais j'ai quelques mots de sa part après que je vous lirai. Bonjour à tous. Nous sommes à la fin du match amical organisé par l'Union portugaise face à la SMOC. Et nous sommes également avec Mohamed. Jeune défenseur central de l'Union portugaise qui a été notamment buteur sur corner ce soir. Bonjour Mohamed, qu'avez-vous pensé de ce match et de votre performance individuelle? Je pense qu'on a su saisir l'opportunité, c'est-à-dire que peut-être qu'il manquait des choses, que techniquement il y a des choses à revoir, mais je pense qu'avec l'équipe on a tous été solidaires, on a été dans le match, la défense elle a été solide jusqu'au bout, et puis sur le corner, j'ai su saisir l'opportunité et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Et quels sont les objectifs à la fin de la saison, que ce soit individuel ou collectif? Je pense qu'on va devoir continuer à travailler, que ce soit sur l'aspect technique, que sur l'aspect tactique. Et ça va être que du travail et on va devoir vraiment bosser aux entraînements et continuer sur cette lancée surtout. Alors, on se retrouve avec Malik, second défenseur central du groupe U17 de l'Union portugaise Orléans. Et je vais te poser une question aujourd'hui. Quel était ton ressenti de ce match collectivement et individuellement? Individuellement, j'ai réussi une passe D. Je suis fier de moi. Collectivement, on a réussi à gagner un match contre une élite. Et je suis fier de nous. Donc voilà pour le résumé des deux joueurs U17. Donc d'après le coach, il salue une bonne prestation défensive. Ils ont eu un peu de mal dans l'animation offensive malgré les deux buts. Donc c'est deux buts sur contre-attaque et corner. Et pour lui, c'était un gros match test contre une équipe élite, sachant que donc l'Union est en première division. Donc l'élite, c'est le niveau qui est juste au-dessus. Donc c'est un très bon résultat pour les joueurs qui étaient qui avaient perdu leur premier match de championnat, et je pense que ça va les booster pour la suite de la saison. Donc Nassira, les buteurs sur cette rencontre? Oui, alors tout à fait, on a entendu Mohamed donc qui a marqué sur corner de la tête du coup. Et le deuxième buteur, c'est Dieu merci, sur une contre-attaque. Et voilà. Ok, merci. Donc on passe désormais au résumé des deux dernières rencontres qui nous restent donc, du week-end. C'était les deux matchs des seniors. Donc l'équipe 2, comme on l'a dit en début d'émission, a affronté les U19 de l'Union, justement. Donc c'était un bon match de préparation pour l'équipe 2 qui n'a pas joué depuis un bon moment. Alors il faut savoir que sur leur pool, ils sont pas beaucoup d'équipes. Donc il y a eu forcément un gros temps d'arrêt. Donc on va écouter le coach Jérémy qui va un peu analyser lui sa prestation, enfin la prestation de ses joueurs surtout, suite à ce match. Bonjour, je suis avec Jérémy, l'entraîneur de la réserve. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour à tous. Donc c'était le match de reprise, un match amical contre les 19 qui a fini sur la victoire de votre équipe 1-0. De bon augure pour la suite. Très bon augure, difficile de reprendre, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué. Le championnat reprend dans 2 semaines, commencer par une petite victoire en match amical, ça donne confiance, et puis j'espère que ça, on va pouvoir continuer comme ça pour le championnat. D'accord. Vous êtes actuellement premier du championnat, avec toute une phase retour à jouer. L'ambition, j'imagine, c'est de garder cette première place. Oui, j'espère bien. Premier après 8 matchs et il nous en reste maintenant 8 avant la fin du championnat. Les ambitions sont la montée avec toujours prendre du plaisir et jouer le plus facilement possible avec des joueurs qui ont envie de pouvoir s'améliorer et jouer ensemble. D'accord, merci. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour. Donc pour vous. Donc voilà pour l'équipe 2 des seniors. Donc Nassir va nous donner le nom du seul buteur du coup de la rencontre. Alors le buteur de la rencontre c'était Kenny. Félicitations à lui. Voilà, juste une petite correction sur le buteur des U17 de tout à l'heure, c'était Dieu béni et pas Dieu merci. Ah pardon, autant pour moi. On peut désormais passer donc à la dernière rencontre de la journée, donc la victoire assez expressive de notre équipe une face à Chingy-Saint-Y, donc victoire à Lillaro, donc à domicile. On va d'abord écouter les joueurs et ça sera suivi de l'interview du coach. Bonjour, êtes-vous satisfait du match et quelle tactique vous avez adoptée pour gagner ce match? Quand on gagne 7-1, on peut être que satisfait du match. Même si on s'est fait des frayeurs en ratant quelques grosses occasions et laisser Chingy revenir à 2-1. Ensuite, la tactique a été aussi, suggérée grâce au fort vent. C'était un peu compliqué la première mi-temps. J'ai demandé à mes joueurs de jouer haut et de presser haut pour empêcher l'équipe adverse de sortir, chose qui a été faite, 2-0 à la mi-temps. Et du coup, la seconde mi-temps, ils reviennent à 2-1. Bon, un petit doute. Et bon, on met le troisième rapidement. Après, normalement, ça déroulait. Donc, je suis satisfait. Bien, merci. C'est bon ? Oui, merci. Merci à toi. Dans le jeu. Ouais, coach. Ouais, attends. Dans le jeu, ouais. On a eu un petit souci de d'enregistrement, donc j'ai pas malheureusement l'enregistrement des joueurs, donc je m'en excuse auprès d'eux. Donc on avait interviewé Kevin, capitaine, et Dorian, vice-capitaine. Donc je suis désolée les gars, on a eu un petit souci technique et je vous ai pas sur l'enregistrement. Donc bon, ce n'est que partie remise, on aura certainement vos impressions sur les prochains matchs. Donc les buteurs sur cette rencontre, Nassira. Alors oui, une multitude de buteurs. Donc je vais commencer par les doublés. Donc un doublé de notre cher compatriote d'origine algérienne, dédicace à lui, Youba, un doublé de notre éducateur U13, Chaïd, doublé. Bravo à lui. Et après, il y a un but de Ousmane, un but d'Amadi et un but d'Hugo. Donc voilà, félicitations à eux et encore plein de buts pour les prochains matchs. Dès le week-end prochain, j'espère. Oui, on espère. Donc on va juste faire un point classement du coup avec Samantha. Donc on va commencer par les U11. Donc après cette première journée de phase 2 en première division, où en sont nos U11? Oui, donc les U11 effectivement de l'équipe 1, pour leur premier match joué sur ce second championnat pour la rentrée de janvier. Je suis avec Dorian. Donc, au niveau premier ex aequo avec tous ceux qui ont gagné leur premier match de cette poule. Donc, il faut savoir qu'ils sont 10. Et donc, ils engrangent 3 points directement avec cette belle victoire 3-2 contre Mandoré. On ne t'entend pas. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Pas de souci. Pour nos seniors, donc d'abord l'équipe 2, qui, donc comme l'avait si bien dit le coach, était un peu à l'arrêt depuis 2 mois. Où est-ce qu'ils en sont? Alors, comme a été dit tout à l'heure, pour nos réservistes, ils sont effectivement premiers ex aequo, donc avec Schiller. Donc ils vont rattaquer leur championnat et on leur souhaite tout plein de bonnes choses et rester premiers de leur classement dans leur championnat. Ok, et donc pour terminer, notre équipe 1... Où est-ce qu'on en est? Donc, nos seniors équipe 1 sont actuellement 7e de leur championnat, avec 2 matchs de retard. Donc, on peut qu'espérer qu'ils gagnent leur prochain match pour monter et monter encore plus haut dans leur classement. Ok, merci Samantha. J'ai réussi à retrouver l'enregistrement et l'interview de Kevin et Dorian. Donc, on va la passer juste avant de passer au... à la séquence interview, donc justement avec mes deux invités, Nassira et Samantha. Et Kevin, donc vice-capitaine respectivement, vice-capitaine et capitaine de Senior 1. Donc on va commencer par le vice-capitaine, si ça ne vous embête pas. Donc, première impression, succès 7-1, succès maîtrisé, on a l'impression, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est un bon match. Bon, après, c'est. Bonjour à tous, déjà, excusez-moi. C'est un bon match. C'est une équipe qui est venue à 12 ou 11, je crois. Donc après, on a vu que ça allait être un peu compliqué, beaucoup de vent, tout ça. On a su rester sérieux, on a su rester collectif avec un bon état d'esprit, de l'envie tout le long du match. Et voilà, ça conclut sur un gros score, une large victoire, en espérant que ça a fait plaisir aux supporters qui se sont déplacés. Et voilà, c'est un bon match. Très satisfait, en tout cas. Merci, Dorian. Et toi, ton avis, Kevin? Bah, je pense qu'il a tout dit. Hein. Moi, je pense que rien de t'a ajouté. Hein, de toute façon, qu'on continue comme ça, qu'on essaye de monter. Puis voilà. D'accord. Et pendant que je vous ai tous les deux, l'ambition pour la première, c'est quoi? Bah, c'est la montée. Clairement, c'est la montée. Jouer le haut de tableau, jouer les 3 premiers. On a le niveau. On a joué ces grosses équipes qui jouent le haut de tableau. On a su faire un bon résultat et voilà, on attend les matchs retour. Blessés et tout. Maintenant, en espérant qu'en deuxième partie de saison, tout va bien se passer, qu'on n'aura pas beaucoup de blessés surtout, quoi. Beaucoup de cartons jaunes, machin et tout, quoi. Mais bon. On enchaîne, on prend match par match et voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, messieurs. De rien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Donc voilà pour nos seniors. Donc, comme ils disent, ils vont prendre match après match et on leur souhaite tout le succès de ces dernières rencontres. C'est vrai qu'effectivement, un peu comme nous chez les jeunes, entre les blessures, le Covid, c'est un peu compliqué de former une équipe compétitive tous les week-ends. Mais on espère que là, dès les prochains matchs, on arrive à rester sur la même lancée et que tous les lundis, on ait des victoires à annoncer à la radio. Donc on fait juste une petite pause musicale et ensuite on abordera les objectifs, nous, de l'école de foot dont on est responsable avec Nassira et les problématiques qu'on peut rencontrer tout au long de la saison. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté. Ne veut pas de nous, non. Ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché. Bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé. Si jamais t'as peur, moi, je prendrai ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou. Sur Arc-en-Ciel 96.2 et vous êtes bien sur 100% Union, l'émission qui est consacrée exclusivement à l'Union portugaise. Dans notre résumé du week-end, on a oublié de préciser que l'équipe féminine dont on fait partie avec Samantha et Nassira, mes invités. Les vétérantes féminines, précise Fernanda, s'il te plaît. Donc, l'équipe vétérante féminine, à l'exception de Rachel qui est venue nous prêter. Les retraités même. Avait disputé un tournoi au Five de Fleury face à des équipes plutôt jeunes. Jeune, on peut le dire, oui. Oui, une d'âge 20 ans. À peu près. et donc, on s'en tire pas trop mal pour une équipe de joueurs de 35 ans. Oui, c'est ça, de plus de 30 ans. Ouais. Oui, on va rester soft de plus de 30 ans. Dire vos âges. Donc on s'en tire pas trop mal, une sixième place sur 10. Voilà, avec quelques courbatures aujourd'hui exactement. Donc du coup, justement, ça me permet de rebondir un peu là-dessus. Donc on en avait déjà parlé un peu avec Samantha. en gros, on s'est un peu tout investi à l'Union. À la suite de notre carrière entre guillemets, c'est vraiment dit sur le ton de l'humour, de notre carrière de footballeuse. Donc effectivement, on s'est toutes rencontrées. Il y a eu un mercato, hein, tu rigoles, mais on est venu me chercher. Hein. On s'est toutes rencontrées donc à l'Union portugaise. Donc on a joué dans l'équipe féminine, donc la première d'ailleurs, la création de l'équipe. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est un peu investi dans le club. Donc pour Samantha, on en avait déjà parlé ensemble quand tu étais venue lors de la première émission. Donc ça va être un peu pareil pour toi, Nasira. À toi. Si donc, j'ai pas envie, on fait comment ? Non, je rigole. T'es obligé. C'est le passage obligatoire. Donc, nous, parle-nous un peu de ton parcours à l'Union portugaise. Ah oui, okay. Moi, j'ai connu l'Union portugaise grâce à Stéphanie. J'avais fait du foot dans d'autres clubs du Loiret. Et elle est venue me solliciter en me disant que l'Union recherchait des joueuses pour créer une équipe féminine. Et du coup, l'état d'esprit du coach Xavier et de la joueuse m'ont bien vendu le truc. Moi, je suis plus loisir que compétition. Du coup, j'ai adhéré au projet. Et donc, j'ai pris ma licence à l'Union et j'y suis restée, je sais, 6 ans, je pense, en tout, jusqu'à une multitude de blessures qui m'a forcé un peu à m'arrêter avec la vieillesse. Et après, je me suis reconvertie en dirigeante. Du coup, c'est moins fatigant. Faut juste bien travailler. C'est à revoir. Oui, voilà. C'est fatigant dans les émotions. C'est plus intellectuel, je dirais. Et moins physique, par contre, ça, faut le reconnaître quand même. À part quand je fais les exercices physiques avec eux. C'est vrai que des fois, j'ai un peu les cuisses qui chauffent. Mais non, du coup, après, j'y suis restée parce que je m'y retrouve. C'est un club familial, convivial, avec un état d'esprit qui veut évoluer et grandir. Donc, c'est pour ça que j'y suis encore et que je pense y rester encore très longtemps. Okay. S'ils veulent bien de moi. Et donc là, à ce jour, en plus donc d'être co-responsable de l'école de foot donc avec moi, quelles sont tes fonctions au sein de l'Union portugaise ? Du coup, je suis co-responsable avec toi-même, du coup. J'ai pas le choix. Non, je rigole. C'est ironique. Je précise à nos auditeurs. Sinon, je gère le groupe U7-U9. Parce que c'est un public. Moi, je travaille dans une école, donc je suis habituée aux jeunes enfants, à la motricité, à toutes ces petites choses qui sont pas évidentes à mettre en place auprès du jeune public quand on démarre le foot et qu'on a 5 ans. Mais leur mettre un ballon dans les pieds, des fois, c'est un peu trop tôt. Il faut déjà passer par des petits apprentissages. Donc, je le fais de manière ludique et après, je fais des étapes pour que les enfants progressent. On démarre tranquillement et petit à petit, je durcis le niveau pour les amener à un niveau un peu plus élevé pour les coachs au-dessus. Donc voilà. Ok. Donc en plus donc des U7, U9, tu es aussi donc responsable de l'équipe 1 des U11. Oui. Donc j'imagine l'exigence n'est pas la même. L'objectif que toi tu as pour ton équipe pour cette demi-saison là qui arrive. Alors en fait j'en ai parlé avec eux samedi directement à la mi-temps quand on était mené 2-1. Je leur ai dit les garçons là ce qu'on prépare c'est déjà l'année prochaine. Je leur ai dit la demande qu'on va faire auprès du district, ça c'est en fonction de nos résultats. Donc j'ai dit si on finit dans les 3-4 premiers, on pourra se permettre de demander un bon niveau U12. Et si malheureusement on finit dans l'autre moitié de tableau, on ira où on veut nous mettre. Donc je leur ai dit qu'on travaillait déjà pour l'année prochaine et que eux ça leur plaît la compétition et quand c'est dur. Donc il faut ça passe par essayer de gagner tous les matchs ou de faire le meilleur résultat possible à tous les matchs. Donc moi je dis top 4. Mon objectif c'est le top 4 sur 10. Donc je connais, j'ai aucun regard sur les équipes adverses. Donc j'espère que on verra bien si c'est réalisable. On va faire du mieux possible. Ok, très bien. Donc toi, Samantha, t'es un peu plus amenée à intervenir donc avec moi sur l'équipe 2 ou sur l'équipe 3. On n'en a pas beaucoup parlé avec les joueurs, mais d'après toi, là, les objectifs qu'on peut avoir pour eux là sur la deuxième partie de saison. Ah bah, du coup, comme on gère les deux équipes, équipe 2 et équipe 3, déjà pour notre création d'équipe 3, ça va être les monter en compétences et leur faire découvrir un championnat, parce que jusqu'ici, ils ne faisaient que s'entraîner et regarder les autres. Donc là, va falloir vraiment qu'ils montent en compétences pour pouvoir gagner leur match. C'est de bon augure, puisqu'ils se donnent à fond à l'entraînement pour pouvoir justement être sélectionnés. Donc c'est ce qu'on leur demande, se donner à fond pour être sélectionnés et nous montrer ce qu'ils savent faire au niveau du championnat et puis au niveau de l'équipe 2, du coup, on a changé de niveau, donc on est passé en niveau 2, donc un niveau un peu plus exigeant pour notre équipe qui a déjà un peu de ballon. Et là, on va rejoindre un peu Nassira, c'est-à-dire que effectivement, comme ça va être un peu plus dur pour eux, va falloir aussi qu'ils effacent certains automatismes qu'ils ont pris au niveau du, comme disait Ayoub, on se jette, voilà, notre défense va défendre debout et arrêter de se jeter parce que voilà, on risque de se prendre des buts à ce niveau-là. Et voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment concurrencer au niveau de cette équipe 2 et puis plein de bonnes choses pour l'équipe 3 qu'elle nous montre ce qu'elle peut faire. Donc c'est vrai que contrairement à pas mal de clubs qui ont été un peu marqués par le Covid, c'est vrai que nous on a cette année une recrudescence de licenciés et c'est vrai que c'est je pense la première fois qu'on se retrouve avec un groupe aussi nombreux en U11, donc ce qui nous a permis de créer 3 équipes. L'objectif était évidemment de faire jouer tous les enfants ou quasiment tous les enfants tous les week-ends, sachant que bon avec là le Covid c'est un peu plus compliqué puisqu'avec les absences ou les gens qui sont, enfin, ou les enfants qui sont pas forcément dispo, mais c'est vrai qu'on a un vivier de joueurs assez impressionnant et c'est un peu sur toutes les catégories. Vous avez une explication, vous j'ai pu le voir. En fait, c'est tout simplement les parents qu'on a depuis quelques années qui sont satisfaits du travail qu'on fait dans les différentes catégories et c'est vraiment le bouche à oreille. La plupart des enfants qui sont venus, c'est des copains d'école, des voisins, des cousins. Et du coup, en fait, d'un côté, c'est bien. Donc, je remercie les parents s'il y en a qui nous écoutent. D'un côté, c'est pas forcément bien parce qu'en fait, on n'est pas forcément, nous, mis au courant. Et du coup, on s'est retrouvés des fois avec 40 enfants. On se disait, mais comment ça se fait qu'on en a autant? Parce qu'en fait, les parents, ils nous préviennent pas. Ils amènent le cousin, la cousine, le voisin, la voisine. Mais si tout le monde fait ça... Alors, moi, je suis pour ouvrir le club à d'autres enfants, bien sûr. Mais c'est mieux de nous prévenir. Comme ça, nous, on peut recruter les éducateurs... en fonction, parce qu'on s'attendait pas à avoir autant d'enfants, par exemple, sur les 11, sur les 9, sur les 13, et on a dû s'adapter durant l'année, et peut-être on a un peu perdu du temps sur certaines catégories, donc c'est dommage. Donc pour l'année prochaine, on va accepter encore des nouvelles personnes, mais on sera peut-être un peu plus sélectif, ça sera pas encore l'USO, mais voilà, parce qu'on peut pas se permettre de toujours accepter des enfants qui arrivent à 14 ans pour apprendre le foot. C'est un peu compliqué, parce qu'on a des enfants qui ont déjà 4-5 ans de ballon, donc... Du coup, voilà, par souci d'équité, donc on fait au mieux après, voilà. Après, je pense aussi, c'est parce que, oui, le club commence à changer sa physionomie. Et avant, voilà, il y avait des personnes qui géraient. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc, du coup, avec un meilleur encadrement de nos jeunes, on arrive à rapporter aussi plusieurs personnes qui arrivent justement et qui sont conscients du travail qui est mené auprès des jeunes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec vraiment un public très hétéroclite. Qui vient autant très proche de l'île Aro comme des écoles. Mmh. Donc effectivement, on a beaucoup du Jardin des Plantes, mais on a aussi tout ce qui est école privée, Sainte-Croix, Saint-Marceau. Donc ça fait un beau mélange sur nos terrains et qui est très représentatif de ce qu'on veut donner comme image pour l'Union. Alors après, oui, c'est vrai qu'effectivement, on a beaucoup de licenciés et je pense qu'on rencontre un peu les difficultés des autres clubs. C'est... On peine un peu à recruter nos bénévoles. Des éducateurs, des bénévoles. Les parents, à partir d'un certain âge, ils accompagnent difficilement leur enfant. Donc, d'un côté, c'est bien, ils laissent un peu plus autonome. Mais malheureusement, on n'a pas... moi, j'ai pas un car à conduire et pour emmener 15 enfants. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'impliquer un maximum les parents, parce qu'on en a besoin. Et j'en profite, s'il y a des partenaires, des gens qui veulent nous accompagner dans nos différents projets... qu'ils n'hésitent pas à contacter Arc-en-Ciel ou Fernanda. On est en recherche parce qu'on a plein de projets. Je pourrais parler des projets en cours, mais ça serait, je pense que je dépasserai l'heure. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Mais s'il y en a qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas. Donc, oui, juste le projet qu'on a vraiment, nous, pour les Lions, c'est un tournoi en Vendée. Donc, on est en train de l'organiser. Et effectivement... on peut le dire, on cherche des partenaires qui souhaiteraient nous aider à financer le projet. Et alors on a déjà commencé à réserver, hein. De toute façon on commence à avancer les sous, mais après il va falloir qu'on trouve, ce sera les parents qui vont financer majoritairement le voyage. Après si on peut avoir une facture moins élevée à donner aux parents, ça nous arrangerait. Parce que on a justement, c'est ce que disait Samantha, je rebondis sur ce que tu disais, des familles très hétéroclites avec des budgets totalement différents. Donc on a envie que tout le monde puisse venir. Donc ça passe aussi par, si on a un sponsor qui veut bien nous aider à participer à ce projet pour avoir une facture moins élevée aux parents, ça serait top. Et ce serait vraiment une récompense pour tous ces enfants qui se donnent tous les week-ends à fond pour pouvoir avoir de beaux résultats et monter l'Union portugaise à son plus haut niveau dans toutes les catégories. Et surtout, ils donnent une belle image. Moi, je vois, enfin, je parle à l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. Je vois qu'ils sont toujours polis. Quand des fois, il y a des petits heures, je dirais, dans les matchs, on n'a jamais, nous, des mots, que ce soit les éducateurs, les joueurs. Et c'est ce qu'on force. Hein, voilà, on les reprend aussi. Hein, on n'a pas que des petits anges. Mais du coup, c'est pour ça l'arbitrage. Qu'on a envie de les récompenser avec ce genre de projet parce qu'ils méritent tout au long de l'année. Ils nous montrent que... Voilà, qu'ils s'investissent pour nous, ils nous le rendent sur le terrain le week-end. Donc nous aussi, on a envie de leur rendre en s'investissant pour leur faire plaisir. C'est aussi l'occasion pour eux de se créer des souvenirs et de créer un peu plus de liens avec les joueurs autres que ce qu'ils font déjà à l'entraînement ou à l'école, puisque la plupart se connaissent de l'école ou de la famille. Donc là, on va être un peu juste pour pouvoir terminer ou pour pouvoir débattre sur nos futurs projets aussi. On a juste aussi une petite, rapidement, un projet qui tient à cœur à tout le club, c'est d'avoir des minibus. Donc on est dessus, on y travaille, mais pareil, c'est un budget. Alors là, c'est beaucoup plus cher que de les emmener en Vendée, hein, je tiens à dire. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel pour nous, parce que quand on a toutes les catégories, plusieurs équipes par catégorie, ça devient très difficile de pouvoir accompagner tous les joueurs, même si on implique des parents et d'ailleurs on les remercie parce que sans eux on pourrait pas faire tous les déplacements qu'on fait. Mais c'est vrai que avoir un minibus ça permettrait déjà de soulager pas mal de parents et ça nous on aurait un peu moins de casse-tête quand on prépare nos matchs parce que justement des fois on sait pas trop si on va pouvoir y aller parce que si on a les parents ou pas, donc c'est vrai que ça serait vraiment nous doter un poids que d'avoir ce minibus. Donc on y travaille, on espère bientôt l'avoir. Donc juste aussi, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez avoir des infos, si vous voulez venir essayer ou passer à Lillaro voir nos joueurs ou nos équipes, n'hésitez pas, et vous pouvez suivre toute l'actualité. Donc en plus de 100% Union sur Arc-en-Ciel, vous avez les réseaux sociaux, donc sur le Facebook du club Union Portugaise d'Orléans. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous investir d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas non plus. Vous serez accueillis à bras ouverts. Et si je peux me permettre, j'invite aussi nos auditeurs à aller au bar du club pour boire un coup, tout simplement. Aller jouer. Oui, jouer aux cartes. Alors là, là vous y trouverez des adeptes. Alors je sais qu'ils jouent à des jeux portugais, je pourrais pas vous dire les noms parce que... Donc c'est Swag. Après moi je sais que j'y vais quelques fois avec des amis et on prend des jeux beaucoup plus simples, mais n'hésitez pas à y aller. L'adresse, Fernanda, rappelle-la moi s'il te plaît. C'est au 232 bis rue du Faubourg Saint-Vincent. Donc n'hésitez pas à passer voir le président, il vous accueillera aussi à bras ouverts. Donc juste avant de terminer, on va passer aux anniversaires. Et juste avant les anniversaires, on a oublié dans le... Donc on a tendance à... On a un peu des têtes de linotte. On les a oublié le calendrier pour les matchs à venir. Voilà, donc ça va arriver aussi. Juste, vendredi dernier, il y avait l'équipe loisir de l'Union portugaise, donc qu'on appelle les vétérans, à faire un match nul de 2 contre Cléry. Et donc le calendrier à venir pour le week-end qui arrive. Alors il est très rapide puisque nos U13 se déplacent donc à l'extérieur pour aller rencontrer l'AI Beaugency Lusitanos samedi donc à 14h. Nos U15 reçoivent à Lillaro donc samedi à 16h Gien. Et nos seniors, donc équipe 1... Pas senior. Senior, pardon. C'est pareil. Oui, hein. Mais c'est pareil, enfin, c'est nos seniors. C'est nos seniors. Pas les miens. Ils seront contents. Et donc, du coup, joue à Lillaro contre le Deportivo Espagnol avec une petite précision. C'est un match à huis clos. Et donc, il joue à 14h30 dimanche. Donc, pas de public, s'il vous plaît. Pas de public pour ce match-là. Et on termine donc juste avec les anniversaires de la semaine qui arrive. Donc, Nassira, s'il te plaît. Oui, alors, Parabench à Bassecou, notre joueur U13. Parabench aussi à Stéphane, notre joueur U19. Parabens à notre petit Yanis, U11. Je te fais un gros bisou si tu m'écoutes. Et parabens à Raïm, un petit joueur U7, tout gentil, tout mignon. Faites ça bien et bonnes vacances à vous tous. Donc voilà, donc nous on se retrouve, on a un peu débordé aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine. On aura la semaine prochaine donc pas beaucoup de matchs à commenter. Donc on retrouvera mes deux protagonistes, Nassira et Samantha, mais cette fois on aura en fait un zoom sur la catégorie U11, donc on aura deux joueurs invités et avec leurs parents, donc on abordera un peu. Donc nous, on a donné un peu nos impressions sur cette saison, et puis on aura un peu le revers de la médaille avec les impressions des enfants et de leurs parents. Donc bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Continuar amanhã no continente num dia desse tempo.